Ça bouge. Deux, trois petites notes, un zeste de swing. La musique, c'est si magique. Si magique. Tout ce rythme qui grimpe, qui grimpe. et des spotlights. De l'attention, juste comme il faut. La musique, c'est si magique. La musique, tout simplement c'est la musique, tout simplement c'est la musique, tout simplement c'est la musique, tout simplement c'est la musique, tout simplement c'est la musique, tout simplement, vous et nous sommes même plaisir.